France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est la marche des sciences. Parle Darwin qu'il est le Newton de la biologie. Et c'est vraiment à la gloire de la science d'Angleterre que pour faire sentir la grandeur de l'illustre naturaliste, on ne trouve rien de mieux que de le comparer à l'un de ses compatriotes. En découvrant le principe de l'attraction universelle, Isaac Newton donnait la loi des mouvements célestes et fondait un système rationnel du monde. Charles Darwin, en démontrant la réalité de l'évolution organique, n'a pas rendu un moindre service à l'esprit humain. Comme le disait Jean Rostand dans un éloge donné le 21 octobre 1949 sur la radiodiffusion française, Charles Darwin a souvent été présenté comme le Newton de la biologie. Il est sans conteste l'un des noms les plus connus de l'histoire des sciences, figure majeure de la théorie de l'évolution naturelle, mais aussi le moins bien compris. D'ailleurs, ne mesure-t-on pas l'importance scientifique et sociale d'une œuvre au combat de ses détracteurs, aux déformations et aux dévoiements dont elle fut la victime ? Le livre de Darwin, L'origine des espèces, paru en 1859, marque un temps dans l'histoire des sciences du vivant, ouvrant la voie à une nouvelle façon de se représenter l'histoire des hommes et de la nature en général. Aussi, à l'occasion de la grande exposition qui lui est consacrée jusqu'au 31 juillet à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris, nous vous proposons un retour sur l'histoire de cet homme, sa grande invention théorique, les idées fausses et les lieux communs qui l'entourent. Mais nous nous intéresserons aussi à l'actualité et à la vitalité de sa théorie dans le monde de la recherche d'aujourd'hui. Avec nous, en direct du studio 158 de France Culture, Patrick Thore, philosophe, linguiste et épistémologue. Il est également historien des sciences biologiques et humaines et directeur de l'Institut Charles Darwin International. Et à ses côtés, Jean Gaillon, philosophe et historien des sciences, spécialiste de l'histoire de la biologie et de l'évolutionnisme. C'est une première partie d'émission qui sera émaillée, comme souvent, d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales. Et puis en seconde partie d'émission, vers 16h45, nous vous entraînerons dans le grand nord sibérien, au pays des Dolganes, peuple nomade du nord Taïmyr, l'un des plus isolés de l'Arctique russe et qui fait l'objet en ce moment et jusqu'au 8 mars d'une exposition photographique au Musée de l'Homme. Destin Dolgan, c'est son titre et c'est l'occasion pour nous de plonger dans le travail du photographe Nicolas Mingasson et d'être propulsé au cœur du quotidien de ses habitants entre modernité et tradition. Mais tout de suite, autre temps, autre personnage, Darwin sous les feux de l'actualité. L'œuvre de Darwin fut pour presque tous une surprise et une révélation. Elle connut un succès foudroyant. Aucun livre de science n'avait encore éveillé pareille curiosité. La première édition est enlevée en quelques semaines et surtout, l'opinion scientifique tout entière s'intéresse, se passionne, s'émeut pour ou contre la nouvelle doctrine. Certes, l'idée de l'évolution se heurtera à une puissante résistance. Elle soutiendra de rudes combats, et non seulement contre les naturalistes fidèles au fixisme de Cuvier, mais encore contre les philosophes et les théologiens qui flairent toute la menace que représente pour des préjugés séculaires ce simple écrit d'histoire naturelle. Bonjour Patrick Thore. Bonjour. Bonjour Jean Gaillon. Bonjour. On vient d'entendre à nouveau la voix de Jean Rostand, hein, ce 21 octobre 1949, qui rendait un éloge à Darwin. Et on va bien sûr plonger dans l'œuvre, dans la vie, mais aussi dans l'actualité de cet homme. On ne soupçonne pas forcément, effectivement, quand on parle de grands personnages de l'histoire, qu'il reste d'une très forte actualité aujourd'hui. Alors l'actualité immédiate, c'est cette exposition hein, qui lui est consacrée à la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette, à Paris, et à laquelle vous avez pris part, Patrick Thore. D'ailleurs, je précise qu'avec avec Guillaume Lecointre, oui. Qui est commissaire scientifique de l'exposition et professeur lui aussi au muséum. Et sans oublier, on peut le citer aussi, hein, Éric Lapie, concepteur de l'exposition. Alors, c'est une exposition qui se place dans un cycle des grands hommes de science présenté oui. à la Villette. Auparavant, il y avait eu Léonard de Vinci. Oui, c'est ça. Il prépare Pasteur pour 2017. Oui. Et en tout cas, c'est l'occasion aujourd'hui de rendre hommage à ce savant du 19e siècle. Alors, dont le nom parle à tout le monde, Patrick Thore. Et en même temps, dès qu'on pose un petit peu la question, mais alors, oui, Darwin, et quoi, dès qu'on questionne sur la théorie ou sur les idées, on a l'impression que l'œuvre devient plus difficile à rendre compréhensible. Vous savez, il y a deux Darwin. Il y a le Darwin de l'œuvre et de la théorie, qui n'a jamais finalement été connu que d'une petite minorité de spécialistes. Et il y a le Darwin dont tout le monde parle et dont tout le monde a très mal parlé. Et l'un de mes efforts continus depuis 30 ans, ça a été quand même de redonner la parole à l'œuvre et à la théorie telles qu'elles sont très légitimement connaissables aujourd'hui. Et c'est un petit peu ce que nous avons tenté de faire, non pas au niveau seulement de cette exposition, mais depuis beaucoup plus longtemps à Paris. Avec par exemple l'exposition qui a été réalisée avec les parcs et jardins de la ville de Paris en 2009 pour le bicentenaire. Donc là, 6 ans après, une autre exposition très différente, c'est-à-dire technologiquement très équipée, je dirais, avec toutes les ressources de la modernité, avec les consoles, avec l'interactivité, avec l'aspect ludique également, oui, c'est vrai. Que ne comportait pas mon exposition, d'ailleurs en 2009, nous atteignons des objectifs qui sont finalement tout à fait identiques, c'est-à-dire des objectifs de restitution, d'une part de ce que Darwin a vraiment dit, et d'autre part de la logique de la théorie sélective, non pas seulement saisie, dans son contexte naturaliste, mais également dans son contexte anthropologique. Et cela, bien sûr, est une nouveauté, puisque l'on avait conçu jusqu'à présent la théorie darwinienne comme un bloc monolithique qui précisément parvenait aux mêmes conclusions quant à la civilisation que quant à l'histoire naturelle. Et là, nous démontrons effectivement que Darwin, tout en poursuivant sa logique sélective, va aboutir en civilisation à des conclusions totalement opposées à la survie du plus apte. Alors on va rentrer dans tout ce mode de pensée, en tout cas dans tout ce qu'il a pu accomplir et nous livrer. Il faut préciser d'ailleurs, j'en profite à Patrick Thore pour dire que grâce aussi à vos traductions, on a pu mieux comprendre cette œuvre parce qu'elle a été longtemps mal traduite, il faut le dire. Jean Gaillon, donc une œuvre faussement simple, d'où mal comprise peut-être. En tout cas, il faut aussi préciser que Darwin, pour le comprendre aujourd'hui en France, la France c'est quand même le pays des Lamarckiens. Jean-Baptiste de Lamarck, aux idées transformistes, hein, pour qui les variations étaient dues à des besoins, alors que pour Darwin, il y avait la part du hasard. Mais c'est peut-être pas innocent non plus le fait qu'on se soit un peu moins emparé de son œuvre, non ? Darwin n'a jamais été très bien porté en France, justement parce qu'il était anglais, de même que Newton. Tant pis pour les Français, ça. Néanmoins, la situation a beaucoup changé depuis les premiers temps où je m'en suis occupé, quand j'étais encore étudiant. C'était une époque où rares étaient les philosophes qui osaient en parler. Mais au cours des 30 ou 40 dernières années, il y a eu vraiment une explosion de l'étude scientifique de l'évolution en France, qui à cet égard d'ailleurs est un cas tout à fait remarquable dans le monde. En sorte que aujourd'hui, on est certainement beaucoup plus darwinien que dans beaucoup d'autres pays du monde. Et donc, alors, vous disiez tout à l'heure qu'il a été mal compris. Bon, bien entendu, on ne comprend jamais très bien un auteur, il est inépuisable. Néanmoins, moi, je suis plutôt frappé par l'immédiate popularité de Darwin en 1859. Alors, il a créé des controverses, et les controverses, c'est vrai que ça vous fait connaître. Mais surtout, c'est que très vite, ce livre a été identifié comme un livre scientifique important, dont les très très grands messages ont été immédiatement compris. Alors, je m'adresse pas à Patrick Thore, aux spécialistes et donc à mes pairs, parce que évidemment, savoir ce que l'on retient de Darwin, c'est une chose. Néanmoins, j'en prends pour, je voudrais en prendre deux indices. D'abord, il y a eu les caricatures. publiés du temps de Darwin en France, en Allemagne, en Angleterre en particulier. Il est extrêmement rare qu'on publie dans des journaux, des périodiques, des quotidiens, oui, des caricatures touchant des hommes de science. Et aussi agressives, voilà, on le voit caricaturer en animal, en singe. Oui, mais justement, ça montre aussi... Je crois qu'aucun homme de science au 19e et 20e siècle n'a fait l'objet d'autant de caricatures, pas forcément méchantes d'ailleurs, mais ces caricatures montrent que le grand public a très bien compris ce dont il était conscient, c'est-à-dire d'abord l'idée que les espèces dérivent les unes des autres, que l'homme a sa place et que l'homme a sa place là-dedans. Essayez par exemple de demander à quiconque dans la rue en quoi consiste la théorie de la relativité générale. D'abord, il n'y a pas de caricature dessus, et ensuite les gens ne savent pas, ils ne peuvent même pas dire. Alors on pourra dire de Darwin, bon, l'homme descend du singe. D'un point de vue populaire, c'est faux, il n'a pas dit ça, mais c'est déjà pas une mauvaise compréhension, on sait de quoi ça parlait. Et l'origine des espèces est de tous les temps l'ouvrage scientifique qui a été traduit dans le plus grand nombre de langues. Alors, l'origine des espèces... Il est guère dépassé que par la Bible, qui n'est pas un livre scientifique, au passage, évidemment. C'est vrai. Alors, un livre peut-être qui... par Herbert Spencer, qui a été traduit, je crois, dans toutes les langues du monde, ou presque, enfin, dans toutes les grandes langues, si je puis dire. Et c'est justement le signe que, justement, cette pensée darwinienne, dont à juste titre vous relevez la profonde originalité et l'importance, a été quand même d'emblée concurrencée par sa caricature, si je puis dire. Et là, on pourra revenir précisément, si vous le souhaitez, sur ce point précis. Et on va d'abord embarquer peut-être carrément, allons-y, on est audacieux, sur le Beagle, parce que tout part de là. Pour pouvoir comprendre l'origine des espèces, il faut aussi comprendre quelle méthode il a pu mettre en place et de quelle façon est-ce que son œil, la découverte de la diversité biologique, géologique, humaine, la plongée encyclopédique aussi qu'il a réalisée dans l'énorme bibliothèque du navire, on va en parler, est aussi au cœur de ce qu'on peut appeler une maturation, mais il lui a fallu 20 ans avant d'aboutir à l'écriture de l'origine des espèces. Tout de suite, petit détour par les archives sonores de l'INA. C'était dans l'émission Les Samedis de France Culture, le 3 juillet 1982. Me trouvant en qualité de naturaliste à bord du vaisseau de Sa Majesté le Beagle, divers faits ayant trait à la distribution des êtres organisés vivant dans l'Amérique du Sud et aux relations géologiques existant entre les habitants actuels et passés de ce continent, m'ont particulièrement frappé. Ces faits, ainsi que nous le verrons dans les derniers chapitres de ce volume, m'ont paru jeter quelques lumières sur l'origine de l'espèce, ce mystère des mystères, comme le désigne un de nos plus grands philosophes. Revenu de mon voyage en 1837, il me parut qu'en accumulant avec patience et en méditant sur les faits de toute nature qui se rattachent à la question, quelques pas vers sa solution pourraient être faits. Patrick Thore, alors comment construit-il son schéma de pensée et quels outils, de quelle façon est-ce que lui va voir ce que d'autres n'ont pas vu ? Alors n'allons pas trop vite, tout de même, parce que ce n'est pas, il faut quand même le répéter, on a vu trop de productions cinématographiques aberrantes sur la question pour ne pas le relever maintenant, ce n'est pas à bord du Beagle que Darwin construit sa théorie. C'est après son retour et après l'expertise de ses spécimens. Là, il amasse. Alors, il faut peut-être rappeler que le voyage dure 5 ans. Le voyage dure presque 5 ans. Hein, je 1831, dis souvent 5 années moins le quart. Ouais. Et il va, au cours de ce voyage, éprouver des doutes relatifs à ce qu'il croyait savoir à propos de la nature. C'est-à-dire qu'il sortait de Cambridge où, comme chacun sait aujourd'hui, il avait étudié la théologie naturelle de William Paley, et donc une vision providentialiste de la nature où toutes les adaptations sont parfaites. Et ce voyage va lui apprendre un certain nombre de choses qu'il ne savait pas, bien entendu, et qu'il ne pouvait déduire de la lecture de Paley. Globalement, que les adaptations ne sont pas parfaites. Globalement, qu'un créateur au pouvoir de création infini n'a aucune raison de se limiter sur certains territoires à ne produire que des animaux qui se ressemblent. Par exemple, en Amérique du Sud, le voisinage géographique en Patagonie de la Rhea americana, qui est une autruche d'assez grande taille, enfin un andou, pour employer des termes consacrés, hein, mais il dit lui autruche. Alors il y a la grande autruche du nord et la petite autruche du sud. Par quoi diffère-t-elle? Par d'infimes détails, à part la taille bien sûr, puisqu'il y a un andou nain que l'on va nommer ensuite Rhea darwinii lorsque John Gould fera l'expertise des oiseaux. Darwin ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi ces ressemblances sur un territoire, pourquoi ce voisinage accompagné de ressemblances. De même, sur l'axe vertical, il se dit, mais enfin, quand il observe, extrait à Punta Alta par exemple, des vestiges des grands mammifères du quaternaire argentin, eh bien, il va s'étonner peut-être de la ressemblance extrême entre ce qu'il peut reconstituer à partir de ces vestiges et ce qu'il sait des animaux vivants qui leur ressemblent terriblement à la surface. Cela, ça sera également au retour lorsqu'il fera expertiser ces spécimens par Richard Owen. Et là, véritablement, ces doutes vont commencer à devenir sérieux. Et ce qui sera décisif, c'est l'avis général des historiens des sciences sur ce point, c'est lorsqu'il va acquérir la certitude, grâce à John Gould, que les spécimens de pinsons, de finch, c'est pas exactement des pinsons, mais ça ressemble beaucoup, qu'il a rapporté des différentes îles des Galapagos, eh bien, que leurs différences sont de l'ordre de l'espèce, et non pas, comme il le pensait au départ, de l'ordre de la simple variété. Par conséquent, quand il, en quelque sorte, il est le témoin ce qu'on appellerait aujourd'hui une spéciation insulaire. Il n'en est pas le témoin, il en est simplement le rapporteur. Et ce phénomène va être évidemment ce qui va probablement, d'une façon décisive, le faire rompre avec la croyance dogmatique qui était celle, bien sûr, en la création séparée et indépendante des espèces vivantes. Jean Gaillon, alors on a bien compris, hein, ce voyage-là, c'est pas au cours de ce voyage que la révélation apparaît, mais il se pose des questions. Je le disais, il y a une méthode de travail plutôt rigoureuse. Hein. Il dévore les livres de... Il y a 404 livres à bord du navire, et lui-même en avait emmené 48, apparemment, c'est ce qu'on dit. Voilà. Alors, bon, il y a eu des travaux tout récents sur la bibliothèque du Beagle. Pour ma part, dans mon édition du journal de bord, je fais un recensement qui était fondé sur les travaux de Cambridge, des éditeurs de la correspondance, en corrigeant d'ailleurs un certain nombre de fautes dans les transcriptions de titres, etc., parce que nos amis anglais ne supportent pas toujours les langues étrangères. Et il y avait des titres en langues étrangères. Bien. Et donc, il y avait dans cette bibliothèque du Beagle des choses extrêmement importantes. Bon, on sait qu'il avait emporté avec lui, remis par son maître Henslow, qui était pourtant un révérend, le premier volume des principes de géologie de Lyell, géologue évidemment, dont les thèses sur la durée d'existence de la Terre étaient bien évidemment incompatibles déjà avec le dogme chrétien. Mais il y avait également la marque, il y avait l'histoire des animaux sans vertèbres, évidemment son introduction, où se trouvait déjà l'exposé du transformisme de Lamarck. Donc on a des points comme ça qui sont extrêmement intéressants. Et il y avait aussi beaucoup de relations de voyage dans cette bibliothèque, et en particulier une relation qui est celle de George Hanson. Ce Lord Hanson, qui était un grand navigateur, avait laissé aussi des écrits extrêmement important, qui va lire en mai, je crois, 1832, concernant la fameuse île de Juan Fernandez, où des navigateurs espagnols et anglais se succédaient. Et les Espagnols avaient déposé quelques chèvres mâles et femelles qui ont couvert l'île. Bien. Et puis, les Anglais, ensuite, s'en sont servis comme de ressources alimentaires. Voyant ça, et je vais très vite dans le résumé, les Espagnols ont mis un couple, dit-on, c'est la légende, mais peut-être plus, de chiens Hein. Certains disent sur l'espèce des chiens, on n'a pas de précision véritable. Mais qui ont commencé à décimer les chèvres, c'est ça ? Il y a eu, en fait, on a assisté à un mécanisme de régulation, en quelque sorte, des populations, d'équilibration, bien sûr, qui intégrait la prédation anglaise, les raids des corsaires anglais. Et donc, celui qui va utiliser cela, c'est un pré-malthusien, si je puis dire, une des sources de Malthus, qui s'appelle Joseph Townsend, et qui se fonde là sur une histoire qui est racontée par un grand nombre de navigateurs. Ce n'est pas, comme certains historiens le pensent, une Robinsonnade, puisqu'il se trouve que c'est l'île de Robinson, précisément. Mais ce n'est pas une Robinsonnade, ou alors il aurait fallu, bien sûr, beaucoup de menteurs très imaginatifs et très convergents. Et lorsque l'on sait à quel point, justement, la question des ressources est essentielle dans la navigation, on ne peut pas douter un instant de la validité de cette histoire. Eh bien, c'est, d'une part, Malthus, et c'est, par contre-coup, quelque chose qui va pouvoir servir à Darwin, parce qu'on sait qu'il a lu cette relation de voyage en mai 1832. Jean Gaillon, on ne pourra pas tout dire, bien sûr, sur Darwin, parce que là, on pourrait préciser aussi qu'il avait un grand-père, Erasmus Darwin, qui avait émis des hypothèses similaires à Lamarck. Hein. Ses origines sont plutôt des origines privilégiées, donc dans un monde où il est entouré d'une lignée d'hommes de science. Il a perdu sa mère jeune, d'ailleurs, à 8 ans. C'était pas un écolier studieux, hein, mais plutôt rêveur, et tourné vraiment vers la nature, au grand dam de son père, d'ailleurs, qui voulait en faire un médecin. Enfin voilà, donc, comme ça, j'ai résumé rapidement, mais ça donne beaucoup de choses et des éléments. Donc son amour pour l'observation, pour les animaux, pour la nature est là depuis l'enfance. Et donc il se nourrit, il est influencé par la lecture de Thomas Malthus, hein, Essai sur le principe de population, qui explique d'ailleurs, faut le rappeler, que les populations grandissent plus vite que les ressources. Et du coup Malthus qui a quand même prôné le contrôle des naissances. Alors les idées justement, son schéma de pensée, Jean Gaillon, je crois que vous avez travaillé sur le diagramme de Darwin, hein, ce qu'il nous propose, le principe de descendance avec la modification des espèces. Donc voilà, tout ça, tout ce qui mûrit en lui, aboutit à quelle idée phare avant, justement, vous parliez de date. Bon, la jeunesse de la pensée de Darwin est quelque chose de fascinant parce que ça se passe sur beaucoup de plans. Néanmoins, je pense que l'année capitale, c'est 1837 et je ne pense pas. Alors, Patrick Thor parlait de 1832, c'est bien sûr très important. Bien sûr. Mais 1837, Mars 37, c'est juste après le retour du Beagle et c'est l'année où il lit pour la première fois Malthus. C'est 38. Oui, c'est entre le 27 septembre et le 3 octobre 1838, il lit l'essai sur le principe de population. Et c'est dans les carnets. Bon, et là, très très rapidement, se met quelque chose en place. Le schéma est d'abord pensé au niveau d'espèces, et puis très vite ça va devenir le mécanisme qu'on connaît, reposant sur une concurrence entre individus. Alors, ce qui est très important, c'est que Malthus, c'est un véritable bouleversement pour lui, mais il va reprendre le principe en lui donnant une signification théorique très différente. C'est-à-dire que dans l'esprit de Malthus, sa loi relative aux populations produit un état stable, hein, alors que chez Darwin ça va au contraire produire un changement dans les espèces. C'est dans la même période à peu près qu'il introduit cette vision arborescente de la transformation du monde vivant. En sorte que fin 1830, l'essentiel est là. 1842, une première ébauche. 1844, une ébauche qui ne sera jamais publiée, sinon à titre posthume. Mais dans la traduction française qui en a été donnée, c'est déjà 200 pages. Et c'est quelque chose qui est extrêmement proche de l'origine des espèces en 1859. Donc moi, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire continuité de Darwin une fois que les choses se sont mises en place dans son esprit, peu après le retour du voyage du Beagle. Donc ce qu'il met en place, c'est quoi ? Au fil des générations, donc les populations se transforment, les structures s'adaptent aux caractéristiques des milieux de vie. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il dit ? que les autres ne disent pas ? Patrick Thore. Écoutez, je peux essayer de répondre à cette question. Il faut comprendre que Darwin, lorsqu'il va revenir du voyage, l'un de ses premiers soucis, ça va être de s'adresser par questionnaire aux éleveurs. Aux éleveurs, donc ceux qui s'occupent des animaux domestiques. Et il va leur adresser donc plusieurs questionnaires et il va fonder sur leurs réponses un certain nombre de réflexions. On ne doit pas oublier, lorsque l'on raconte comment la théorie de Darwin est née, l'importance considérable du modèle que constitue effectivement la sélection artificielle. Parce que si l'on réfléchit bien, un animal domestique reste un animal naturel. Et de même que Darwin a constaté, comme tous les naturalistes, que tous les organismes naturels sont capables de variation, sont variables, la variation prouvant la variabilité, eh bien, il voit que des animaux naturels, bien que domestiques, sont sélectionnables. C'est-à-dire qu'il découvre en fait qu'il y a une sélectionnabilité naturelle des organismes. Ce que je dis en ce moment a l'air banal, mais ça ne l'est pas du tout lorsqu'on essaie de se représenter la manière dont Darwin a finalement compris là quelque chose qui lui permettait de déboucher directement sur une hypothèse. La question qui se pose à ce moment-là, c'est une sélection de variations avantageuse, comme une variation sélectionnée est avantageuse pour un éleveur, eh bien, une sélection de variations est-elle possible dans la nature? Et si oui, comment? Et c'est là qu'on va avoir recours, précisément, au modèle malthusien, qui va fournir, en quelque sorte, la dynamique de la sélection naturelle, de la, bien sûr, de la lutte pour l'existence et de la sélection naturelle. Et donc, c'est une sélection de variations avantageuse, puisque dans l'affrontement de la lutte pour l'existence, ce sont les organismes les plus adaptés aux conditions de la lutte qui vont nécessairement triompher. Et cette idée, elle est, d'une certaine manière, comprise déjà dans le dispositif malthusien. Darwin va simplement pousser les choses jusqu'au bout, clore son schéma et conclure à la sélection naturelle des variations avantageuses et à l'accumulation des transformations ainsi acquises dans des milieux qui sont évidemment stables. Alors il ne faudrait pas en tirer ce qu'ont fait malheureusement la plupart des commentateurs, que Darwin était malthusien. Darwin n'était pas malthusien. Mais là encore, pour le savoir, il faut lire la filiation de l'homme et ne pas arrêter la lecture de Darwin à l'origine des espèces. Darwin a écrit plusieurs livres. Oui, vous avez raison de le mentionner, hein, Patrick Thore. La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, sortie en 1871. Donc sa pensée, finalement, qu'il étend à l'homme et avec cette description de la continuité du vivant et l'homme qui n'est pas une espèce à part, finalement, il montre qu'il y a des traits communs. Et puis l'autre livre qu'on peut mentionner, hein, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, 1872. Non, 1860. 72 pour l'expression des émotions, hein, bien sûr. Hein. C'est qui pose les bases de l'éthologie, comparée. Effectivement, oui. L'éthologie, psychologie comparée. Et oui, parce que Darwin a été très fructueux sur différents plans. Il a travaillé aussi à la fin de sa vie sur les vers de terre, très important. Il avait travaillé sur les orchidées. C'est l'extrême fin, c'est 1881. Exactement. Des expériences passionnantes où il parle de l'intelligence des lombrics. Eh bien, ça, c'est intéressant parce qu'il ne lie pas l'intelligence à la détention d'un système nerveux central. Alors Jean Gaillon, avant d'aller vers la fin, parce qu'il y a tellement de choses, mais surtout, ce qui sera très intéressant à voir, c'est la façon dont il a été perçu, récupéré, les détracteurs et ce qu'il en est aujourd'hui. Donc un homme qui a su s'entourer de sommités, hein, aussi pour aller plus loin, pour asseoir ses conclusions, en tout cas faire avancer sa pensée. Et est-ce qu'on peut dire que, bon, il a mis 20 ans de maturation et un an d'écriture pour aboutir à l'origine des espèces, donc paru, je le rappelle, en 1859. Il est affaibli quand même aussi par une maladie. Il peut travailler que 4 heures par jour, puisqu'il avait été, il avait subi une morsure d'une punaise en Argentine en mars 1835. Et donc, voilà, les conséquences de cette morsure l'avaient affaibli. Mais en même temps, il est un peu poussé quand même, parce qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre, Alfred Russel Wallace, qui a les mêmes intuitions quand même, hein, en matière d'évolution. Et ça, c'était en 1858. Oui, ça l'a. Jean Gaillon. Oui, c'est effectivement quelque chose qui l'a beaucoup affecté. Il était en train, 56-58, d'écrire un énorme livre qui en a donné par la suite trois, et principalement l'Origine des espèces. Le titre original du livre, c'est une ironie, ça devait être, selon lui, résumé d'un livre sur l'Origine des espèces. Et puis l'éditeur lui a dit, écoutez, on peut pas, un livre de plus de 490 pages, ça peut pas s'appeler résumé. Bon, donc ça s'est appelé l'Origine des espèces. Alors, oui, Wallace, c'est effectivement, quand on lit attentivement. Il n'avait pas les mêmes soutiens, alors qu'il venait d'un milieu plus modeste. Est-ce que ça a pu jouer entendu, aussi? Bien entendu, mais il y a une convergence exceptionnelle, même si on peut déceler beaucoup de nuances dans les pensées des deux auteurs. Hein. Ce qu'ont montré un certain nombre d'historiens, par exemple Pietro Corsi, c'est que au fond tout cela était dans l'air dans les années 1840 et surtout 1850, un petit peu comme en morceaux. Et on peut penser, en s'aventurant dans une histoire hypothétique, que d'une manière ou d'une autre, dans les années peut-être 1870 ou 80, quelque chose serait né qui aurait beaucoup ressemblé à l'échafaudage théorique qu'a produit Darwin. Néanmoins, ce qu'il y a eu d'original chez Darwin, ce qui fait son génie, c'est justement d'avoir construit une architecture conceptuelle qui est d'une extrême force, simplicité, et d'avoir choisi le mot « sélection », qu'on lui reprochait pour son anthropomorphisme, pour désigner cela. Alors, on a un petit peu tendance à oublier que Darwin n'a jamais été capable de produire une seule fois un exemple concret de sélection naturelle, et d'ailleurs il a fallu beaucoup attendre après lui, et même aujourd'hui encore, c'est de manière indirecte qu'on peut prouver des cas de sélection naturelle, parce que c'est un processus extrêmement onéreux. Alors, ce qu'il a vu, comme Patrick Thor a souligné l'importance de l'élevage et de l'horticulture, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a deux camps chez les historiens du darwinisme. Il y a ceux qui disent qu'au fond, sa théorie de l'évolution par sélection naturelle n'a rien à voir avec l'élevage animal et qu'elle a reposé, elle a consisté à faire converger un certain nombre de secteurs de grands domaines de sciences naturelles, sur la distribution géographique, la paléontologie, etc., etc. Puis l'autre camp qui dit que cette analogie a été essentielle. Moi, je crois qu'elle a été essentielle et qu'on peut le montrer aussi par les textes. Alors, c'est un coup de chance ou un coup de génie que de s'être appuyé sur ce mot-là. Parce que la sélection artificielle, il faut rappeler quand même que c'est lui qui a inventé le mot sélection artificielle, il n'existe pas. Donc le mot sélection artificielle, il y avait de la sélection tout court, mais on ne l'appelait pas artificielle. Et il y a eu de la sélection artificielle, au fond, dans le langage, je dirais, une fois qu'il y a eu de la sélection naturelle. Voilà. Alors, la sélection artificielle, elle, on l'a sous les yeux, elle existe, on sait qu'elle produit des changements. Bon, la sélection, elle a été pour Darwin un modèle de la sélection naturelle. Et quand on regarde ce que veut dire ici modèle, un modèle analogique, ça veut dire qu'entre sélection artificielle et sélection naturelle, il y a un grand nombre de points communs. Dans les deux cas, il faut qu'il y ait de la variation individuelle. Il faut qu'elle soit héréditaire et il faut qu'il y ait une force qui pousse au fond vers le tri de ces variations. La sélection artificielle, bien entendu, c'est le caprice de l'homme, c'est l'utilité qu'il veut retirer de trier certains animaux ou certaines plantes. Dans la sélection naturelle, c'est le principe malthusien. Et très vite, il y a ajouté la sélection sexuelle, ce qui lui a permis de bien distinguer deux éléments dans la sélection naturelle, c'est-à-dire la reproduction différentielle et la viabilité différentielle, survie et reproduction. Et avec ce mot, vous aviez le cœur d'une théorie, donc sélection artificielle, sélection naturelle, sélection sexuelle. C'est d'une puissance rhétorique absolument extraordinaire. Je répète, je pense que ce mode de pensée aurait fini par exister, mais probablement plus en morceaux, par des modèles dispersés. Là, on a eu d'emblée une théorie admirablement construite. Allez, à ce stade de l'émission, et on va reprendre dans un instant justement l'actualité de Darwin. Je vous propose d'aller vers le choix musical de Patrick Thor, puisque ce sont nos invités qui font la programmation dans la marge des sciences. Alors vous nous avez proposé, Patrick Thor, India Song. Eh bien oui, c'était l'une de mes propositions. Mm-hmm. Je trouve que cette mélodie est de la nostalgie pure et il nous reste quand même aujourd'hui. De Charles D'Alessio, musique du film Marguerite Duras, c'est votre choix. Thank you. 16h et presque 36 minutes, India Song de Charles D'Alessio, musique du film Marguerite Duras. C'est le choix de Patrick Thor, notre invité, avec à ses côtés Jean Gaillon, et c'est la suite de La Marche des Sciences en direct sur France Culture, une Marche des Sciences consacrée à Darwin sous les feux de l'actualité. 150 ans plus tard, la révolution darwinienne est toujours d'une grande modernité, vous pouvez le constater aujourd'hui avec nos invités, et c'est ce débat, c'est cette question de la réception, de la récupération des détracteurs aussi que nous allons aborder tout de suite. C'est au singe que tout le monde vous attend, c'est la guerre du singe qu'on vous fait. C'est affreux. C'est à cause du singe que Wilberforce, l'évêque d'Oxford, vous a traité de personnage superficiel qui déshonorait les sciences naturelles. Je l'ai lu, ça c'est vrai, et c'est inadmissible, Charles. Je dois confesser, Emma, que cet évêque m'a fait beaucoup de peine. Ah. Vous auriez éprouvé plus de peine encore si vous aviez assisté comme moi à la réunion de la Société britannique dont je venais vous rendre compte précisément. On a parlé de moi à la Société britannique ? On n'a parlé que de vous. Et Wilberforce y était ? Comme moi, arrivé dans les premiers. Ah. Et savez-vous le trait qu'il a lancé à moi, votre champion, votre bulldog, comme on dit ? Non, racontez-nous ça. Oh, vite, vite, monsieur Huxley. Eh bien, Wilberforce m'a demandé si c'était par mon grand-père ou par ma grand-mère que je descendais du singe. Quelle horreur! Et j'en ai peur, vous avez répondu, Huxley. Je lui ai rivé son clou à l'évêque. Je lui ai répondu que je préférais descendre d'un brave bougre de singe que d'un personnage turbulent, toujours prêt à embrouiller des questions dont il ignore le premier mot. Bravo, Huxley! Emma, y pensez-vous? Il s'agissait d'un évêque. Vous avez dû provoquer un épouvantable scandale, Huxley. Ça a été magnifique. La séance s'est terminée là-dessus. Une dame s'est évanouie et on a dû l'emporter. France Culture, La Marche des Sciences. Aurélie Luneau. Et c'était là l'extrait de la fiction Le roman d'une espèce, première partie, diffusée le 12 janvier 1952 sur la radiodiffusion française. Et on comprend effectivement, Patrick Thor, par cet extrait, de quelle façon est-ce que les travaux de Darwin ont bouleversé quand même une société puritaine. Lui était agnostique. Mais non. C'est vrai? En tout cas, c'est vrai qu'il n'a pas cherché forcément. Il a eu des détracteurs, et puis il y a eu aussi des. On peut parler de la façon dont ses idées ont été récupérées et ce qu'il en est aujourd'hui de sa modernité. Mais Darwin n'a pas. Est-ce qu'il n'aurait pas péché peut-être par manque de combativité contre ceux qui ont récupéré et réinterprété ses travaux ? Bon, bien entendu, c'était un homme malade et il n'aimait pas aller au combat dans l'état où il se trouvait. Il envoyait Huxley et il n'était pas toujours très satisfait de la manière dont Huxley livrait ce combat. Mais une chose importante, tout le monde dit que Darwin était agnostique parce que Darwin l'a dit et proclamé aussi. Bon, si l'on connaît l'histoire du terme d'agnosticisme, c'est une boutade de Huxley à la Metaphysical Society. C'est pour dire, je n'en sais rien, mais j'ai besoin d'un isme pour me faire une désinence portable en public au milieu de gens qui se désignaient précisément à travers les références à l'utilitarisme, au matérialisme, à l'athéisme, au panthéisme et à toutes sortes d'ismes. L'histoire est racontée par Huxley lui-même et Darwin était évidemment au courant. Il n'est pas vraisemblable qu'il ait accordé plus de crédit à cette pseudo-doctrine qui n'est même pas une conviction, c'est une attitude, c'est pas la même chose. Que son propre inventeur ne l'avait fait lui-même. Cela veut dire qu'en fait, il a dissimulé un athéisme, ou plutôt une athéité de fait, qu'il avoue en toute lettre en 1876 dans son autobiographie, derrière cette proclamation d'agnosticisme qui avait eu du succès en Angleterre, tout simplement parce qu'il ne pouvait être mis en demeure de prouver ni l'existence ni la non-existence de Dieu. Il refusait absolument de rentrer dans ce type de discussion. Cela étant dit, bien sûr, l'histoire est beaucoup plus complexe. J'ai écrit un gros livre sur Darwin et la religion et je peux vous assurer que tout n'est pas aussi simple. Mais il faut se méfier des gens qui répètent trop facilement des déclarations comme ça d'un auteur. D'accord. Dans son autobiographie, il dit qu'il est totalement incrédule et que c'était chez lui une conviction absolument inébranlable. Alors en tout cas, on peut dire que Darwin n'a jamais écrit que l'homme descendait du singe. Là, allons-y sur un peu les idées fausses véhiculées. La théorie de la sélection naturelle ne justifie pas la loi du plus fort ni le capitalisme. Jean Gaillon, c'est vrai que le libéralisme économique s'est emparé des théories de Darwin. Spencer, avec son slogan du laisser-faire, bien sûr, a beaucoup appuyé sur l'analogie qui pouvait exister entre le progrès biologique au cours de l'évolution et puis le progrès économique. Oui, bien sûr, mais ça, c'est pas Darwin, non. Bon, le darwinisme ne justifie pas l'inégalité sociale, Patrick Thor, hein, ni le racisme, ni l'eugénisme. Non, bien sûr, mais c'est une grosse évidence. Il y a des textes de Darwin qui sont là-dessus formels, ils ne sont pas empruntés à des sources de troisième main. Lorsque Darwin écrit dans un livre aussi fondamental pour lui que la filiation de l'homme, combien de temps nous faudra-t-il encore, malheureusement, pour que nous considérions comme nos semblables ces hommes qui diffèrent, ces peuples, pardon, qui diffèrent si sensiblement de nous par leur aspect extérieur et par leurs coutumes. Bon, il y a un appel véritablement de Darwin à penser autrement la relation aux autres, et c'est tout à fait en accord avec sa théorie de l'extension nécessaire de la sympathie qu'il veut étendre jusqu'à tous les êtres sensibles. Je finis donc cette citation, hein, l'humanité étendue envers les animaux, etc., doit effectivement s'étendre à tous les êtres sensibles. C'est donc une vision très cohérente et prodigieusement moderne, si je puis dire, de la solidarité de tout le vivant et de ce que nous devons à tous ceux qui, en dépit de leurs différences, effectivement, nous ressemblent par l'origine et par la vie en commun. Alors, Jean Gaillon, oui. Je n'idéaliserai pas trop Darwin, on trouve de tout chez lui, hein. En particulier sur le plan social et politique, où il s'est relativement très peu exprimé, hein. On trouve ce que vient de dire Patrick Thor. On trouve aussi que la sélection naturelle continue à exister aujourd'hui, oui, parmi les hommes et dans leur société. On trouve dans des correspondances des propos extrêmement désobligeants pour des syndicalistes qu'il faudrait mettre hors d'état de nuire en les arrêtant. Enfin, vous voyez, on trouve de tout. Donc je crois que il faut pas remplacer Jésus ou Marx par Darwin. Hein. Alors sur la religion, il y a quelque chose. Des dénonciations. Sur la religion, allez-y. Alors, Jean Gaillon. J'ai des petits doutes parce que on n'est plus tout à fait sûr aujourd'hui et plus que l'évêque Wilberforce ait prononcé la phrase sur l'homme et le singe qu'on lui attribue. En fait, on n'a pas de trace écrite, c'est raconté. Il semblerait qu'il n'ait pas prononcé cette phrase. C'était d'ailleurs un homme de science, hein. Tous les professeurs d'université en Angleterre à l'époque étaient des pasteurs. Donc, faut s'en souvenir. Il était lui-même président de la société britannique pour l'avancement de la science. Bon, il n'aimait sans doute pas beaucoup la théorie de Darwin, mais il n'aurait pas prononcé cette phrase. Ce serait plutôt une invention de Huxley. Quant à, je n'ai pas la compétence de Patrick Thor sur les rapports de Darwin à la religion. Néanmoins, en suivant ce qu'on peut trouver dans les sources accessibles, dans les écrits même de Darwin, on voit qu'il a évolué de quelque chose d'une forme assez forte de théologie naturelle vers une vision un peu moins et puis une vision plus sceptique pour devenir franchement athée à la fin de sa vie. Et là, je m'avance un petit peu, mais je pense que tout cela n'a pas grand-chose à voir avec ses pensées sur l'évolution. Il a fait le rapport, bien entendu. Oui. Hein, le langage philosophique qu'il utilise est souvent très raffiné, et on a pas mal de confidences, même quelquefois des textes écrits, comme la dernière phrase de l'Origine des espèces, où on voit qu'il maniait cela pour, en quelque sorte, convaincre son public. Mais je crois que c'est fondamentalement un itinéraire personnel qui a été au cours duquel peut-être il a vécu des événements, son rapport avec sa femme, ses enfants qui sont morts, le constat du mal dans le monde, enfin des choses assez ordinaires mais qui l'ont peu à peu poussé, je crois, vers l'athéisme. Je crois que ça n'a pas grand-chose dans son itinéraire intime, hein, à voir avec l'évolution. Alors juste, je ne peux pas tout Patrick à fait Thor, être d'accord avec vous, Jean. Il nous restera que quelques minutes pour parler de l'actualité. Parce qu'il y a quand même la théorie, hein, et il y a l'œuvre qui est une machine de guerre contre la théologie naturelle, qu'on le veuille ou non. Mais c'est pas une guerre contre la religion, ça. Il y a une œuvre. Bon. La religion, il la défendait comme pouvoir structurateur dans la société, dans l'évolution des sociétés, précisément. Oui, c'est vrai. Je pense qu'une émission comme, sur ce thème-là, Darwin et la religion, vous le disiez à Patrick Thore, il y a un livre énorme. Ça méritera un deuxième volet. Je vous le promets, en tout cas. Mais dans ces juste les quelques minutes qui nous restent, je voudrais quand même porter notre regard aussi sur aujourd'hui. Parce que j'ai été moi-même surprise en découvrant et en déambulant dans cette exposition proposée à la Cité des sciences et de l'industrie, donc sur Darwin, de voir de quelle façon est-ce que Darwin et sa théorie étaient aussi une révolution en matière de thérapie pour lutter contre le cancer. Donc c'est vrai que Jean Gaillon, je pense qu'à partir des années 50, il y a ou des évolutions, en tout cas, vous dites une version moderne en lien avec la génétique par rapport à Darwin. On parle de théorie néo-darwinienne, mais donc voilà, on sait que ça a évolué. Aujourd'hui, des travaux, par exemple, comme ceux de Frédéric Thomas, chercheur au CNRS à Montpellier, sur des mouches, et qui met en évidence le fait que des chimiothérapies agressives pourraient, in fine, favoriser les cellules cancéreuses résistantes et du coup leur offrir un boulevard. Ça remet beaucoup de choses en question. Et lui-même dit, il faut que les scientifiques aujourd'hui soient formés au processus de l'évolution, c'est-à-dire qu'il y ait une formation en biologie évolutive. Aujourd'hui, Darwin plus que jamais d'actualité. Non, mais l'expansion du mode de pensée darwinien à d'innombrables domaines de la biologie et hors de la biologie est absolument stupéfiante. Ça n'a pas arrêté depuis 150 ans. Alors, on peut se demander s'il s'est passé quelque chose. Alors, les très grands événements, à mon avis, c'est d'abord la synthèse moderne, ou qu'on appelle en France le plus souvent la théorie synthétique de l'évolution, qui est une forme de néo-darwinisme, c'est-à-dire au fond un assemblage d'une approche génétique des espèces et puis du principe de sélection naturelle. Ça, c'est les années 40-50. Voilà. Il me semble que depuis, l'essentiel s'est passé, non pas aujourd'hui, comme le disent beaucoup de biologistes, tels que les biologistes du développement, c'est dans les années 60, entre 60 et 72 à peu près, où il y a eu un ensemble de nouveautés méthodiques et théoriques qui est hallucinant et qui ont mené non pas, je dirais, à réfuter Darwin, mais à le déborder en faisant du nouveau. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu d'abord l'irruption des méthodes moléculaires qui ont permis de voir le patron effectif de l'histoire des espèces sous un angle tout à fait nouveau. Il y a eu les premiers modèles visant à expliquer l'origine de l'altruisme, c'est-à-dire plus simplement des déclarations qualitatives avec Hamilton en 1964. Il y a eu la théorie neutraliste de l'évolution moléculaire. Il y a eu Stephen Jay Gould qui a essayé de montrer qu'on pouvait en paléontologie aussi faire des théories et qu'elles ne rentraient pas tout à fait dans le cadre darwinien. C'est dans ces années-là, à mon avis, qu'il s'est passé quelque chose de capital. C'était au fond, c'était avant que je ne commence à étudier l'évolution, c'est là qu'il y a eu de très grands, peut-être les plus grandes nouveautés sur 150 ans. Patrick Thore, le mot de la fin de cette première partie. Eh bien, écoutez, moi, mon observation sera simplement plus courte parce que la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est pourquoi toujours Darwin et pourquoi cette fréquence d'interrogation sur Darwin? Eh bien, c'est peut-être parce que l'humanité est rentrée dans un régime de catastrophe et que on s'adresse à Darwin comme théoricien de la survie. Or, il est certes, en ce qui concerne l'histoire naturelle, le théoricien de la survie du plus apte dans le domaine végétal et dans le domaine animal, mais dans le domaine anthropologique, il doit être regardé comme le théoricien de la survie de l'humanité. Et c'est peut-être cela à quoi il faut réfléchir aujourd'hui. Merci à tous les deux, donc Jean Gaillon, Patrick Thore. Je rappelle, certains de vos livres, on trouvera vraiment la totalité des mentions sur le site de la Marche des Sciences, bien sûr. Donc le livre de l'exposition Le Monde de Darwin, paru sous la direction de Patrick Thore. On vous retrouve en tout cas, sous la direction de vous, Patrick Thore, et de Guillaume Lecointre, aux éditions de la Martinière. Et Patrick Thore, on peut aussi mentionner Darwin et la science de l'évolution, découverte Gallimard, un coffret, 3 CD qui viennent de sortir, Charles Darwin, l'origine des espèces, et chez Frémaux, Jean Gaillon, Darwin et l'après-Darwin, un livre paru chez Quimet, et puis aussi une BD pour les plus jeunes, Charles Darwin, une révolution, de Annabelle Kremer et François Hollisleger, c'est chez Actes Sud Junior, et puis bien sûr, allez-y, emparez-vous de cette exposition Darwin, l'original, à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris jusqu'au 31 juillet 2016. Mais restez avec nous, une autre expédition aussi. Tout ça va vous intéresser dans un instant. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, avec l'envie aujourd'hui de vous parler aussi d'une exposition photo qui se donne à voir en ce moment et jusqu'au 8 mars au Musée de l'Homme à Paris, place du Trocadéro, des clichés tout en noir et blanc, des clichés rares sur un peuple méconnu, les Dolgan. La péninsule du Taïmyr est située à l'extrême nord de la Sibérie, au-delà du cercle arctique. C'est là que vivent les Dolgan. C'est ce peuple autochtone que l'ethnographe Yann Bourgeon-Privé, en première année de thèse, est parti étudier. À l'occasion de sa première mission, il a tenté pour nous une expérience originale. Faire surgir une parole Dolgan en s'appuyant sur des photographies d'archives. Bonjour Nicolas Magasson. Bonjour. Alors vous êtes photographe, journaliste, ethnographe, j'ai envie de dire, mais on va en parler. En tout cas, on vient d'entendre cet extrait d'un film, de petite vidéo hein, d'ailleurs qu'on peut découvrir, que vous avez réalisé avec donc Vincent Gaulier, et puis on peut citer la boîte de production Un Look at Science, et coproduit aussi par l'Observatoire photographique des pôles, le CNRS et puis le Muséum. Voilà, on est complet. Et pour être complètement, vraiment complet, là vous nous annoncez quelque chose, mais très bien, formidable. L'exposition est prolongée. Jusqu'au 25 avril. Eh bien voilà, vous avez un petit peu plus de temps. Ça n'empêche pas d'y aller dès demain. Oui, Stéphane n'est plus à faire. Alors, donc Nicolas Magasson, vous êtes fondateur donc aussi de l'Observatoire photographique des pôles. Hein, mais vous aimez ces situations extrêmes, puisque vous aviez aussi donc proposé des photos en Bosnie, en Afghanistan. Enfin, on va pas faire toute votre histoire. C'est pas le but en tout cas aujourd'hui. Mais ce lieu géographique, déjà il faut le situer. Donc le Taïmyr, dans le grand nord sibérien, et puis ce peuple nomade, l'un des plus isolés de l'Arctique. Russe, pourquoi eux ? Pourquoi ce choix ? Complètement par hasard. C'est en 95, j'étais photographe et on m'a proposé de faire des photographies sur une expédition au pôle nord géographique et il s'est trouvé que le chemin pour rejoindre le pôle était par la Russie et par cette région du Taïmyr, donc qui est à l'extrême nord de la Russie, en plein centre de la Russie. On est 600-700 km au-dessus du cercle polaire et donc c'était la rencontre, c'était une rencontre un peu par hasard. Et alors, il vous faudra plusieurs voyages, on imagine. Hein. Il faut se faire accepter, peut-être. Il faut se faire accepter et il faut, je pense qu'il faut filtrer ce qu'au début on trouve totalement exceptionnel, mais qui pour eux est d'un quotidien complètement banal. Et voilà, gommer petit à petit tout ce qui nous frappe au premier regard pour aller creuser ce qui est vraiment la réalité ou une certaine réalité de ce qu'ils sont. Alors, est-ce que justement vous vous sentez quelque part photographe, ethnographe, parce que il y a une posture peut-être que l'on doit adopter et qui peut s'apparenter à celle d'un chercheur. Hein. On mentionnait justement dans l'extrait qu'on a entendu le travail de Yann Bourgeon-Privé, qui est en thèse d'ethnologie à l'école des hautes études en sciences sociales. De la même façon, est-ce que vous-même vous avez une posture spécifique, parce que ce travail de photo n'est pas juste quelques belles photos et des clichés, c'est aussi avec des intentions, vous nous restituez là à la fois le présent d'un peuple, mais aussi son passé, ses traditions, et puis presque, on y perçoit aussi presque le devenir. Oui, alors l'ambition ou l'envie en tout cas, c'est de retranscrire ce qu'ils sont de la manière la plus brute et la plus vraie possible. Donc justement, gommer tout ce qui est exotique. Alors de là à dire que c'est de l'ethnographie, je dirais que non, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Non, mais il y a une posture qui est un peu la même, effectivement, c'est d'observer les choses et de creuser. Mais je n'ai aucune, je n'ai pas creusé toute l'histoire et toute la bibliographie du peuple Dolgan, donc. De l'ethnographie, non. Clairement non. Alors donnez-nous quand même quelques éléments. Qui sont-ils ? De quoi vivent-ils ? D'où viennent-ils ? Alors c'est un peuple du Rhin. C'est un peuple du Rhin donc, qui vit exclusivement du Rhin. Il y a quand même pas mal de Dolgan qui vivent de la pêche. On dit peuple du Rhin, mais la majorité des Dolgan aujourd'hui sont sédentarisés. Une bonne part vit dans des villes, y compris des grandes villes comme Krasnoïarsk. Il doit rester dans le Taïmyr 8000 à peu près Dolgan et dans la région orientale, il y a peut-être une trentaine de familles uniquement qui nomadisent. Donc ce n'est vraiment plus grand-chose. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est une activité qui est condamnée. Ça, c'est, on aime bien souvent dire, c'est les derniers éleveurs de rennes, etc. Oui, oui. Il y a 10 ans, oui, peut-être, qu'on aurait pu dire c'est une activité dans ce coin spécifiquement de la Russie, l'activité est condamnée, mais aujourd'hui, moi, je le dirais plus. Oui, parce qu'en même temps, quand vous les découvrez, vous pouvez aussi penser que finalement, après la chute de l'URSS, ils vont disparaître ou presque sous vos yeux. Et puis, vous voyez, vous avez dû voir au fil de ces contacts, la modernité rentrer chez eux. Hein. Oui. C'est ce qu'on voit dans vos photos. Hein. Ils ont suivi les iPods, j'ai envie de dire, mais il y a tout ça qui arrive. Les ordinateurs, de Chine. Les jeunes adorent les ordinateurs comme les jeunes ici. Ils adorent les téléphones. Ils utilisent Skype. Il n'y a pas si longtemps, j'étais sur Skype avec une jeune femme qui est en photo d'ailleurs, Zoya. Qui veut faire des études, c'est ça Elle est médecin. Elle est presque médecin. Elle a un statut d'infirmier médecin. Mais ils accèdent à la modernité parce que Internet est dans les villages aujourd'hui. Oui. Et ils l'aiment autant que nous, on peut l'aimer sous nos latitudes. Et ils gèrent leur côté traditionnel et cette modernité, finalement, assez facilement. Tout en gardant vraiment préservé leur tradition. Oui, ils restent ancrés à ça, ne serait-ce que parce qu'ils sont, ils vivent vraiment au cœur de la toundra, c'est-à-dire que autour de ces villages-là, il n'y a rien à 800 km à la ronde. Donc leur univers, c'est un univers de toundra le plus brut possible. Donc ça s'impose à eux quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'eau courante dans les villages, il y a de l'électricité parce qu'il y a un groupe électrogène, mais. Donc et cette réalité du terrain... Oui, 9 mois pendant lesquels, en plus, l'univers est complètement vierge de toute verdure. Hein. D'ailleurs, vos photos sont prises dans... Parce qu'il n'y a pas de photos d'été. Mais sinon, l'été, c'est vert, il y a une exubérance dans la toundra. Oui. Mais cette réalité d'un terrain qui est quand même extrêmement rude s'impose à eux, quoi qu'il arrive. En tout cas, on sent à travers vos photos, Nicolas Magasson, que vous cherchez aussi à questionner notre regard sur les autres, sur l'étranger. Et j'avoue que c'est vraiment une belle découverte de saisir cette réalité et sans se dire que ce sont les derniers représentants d'une culture. Allez, le mot de la fin pour vous. On parlait d'évolution et Darwin, mais je crois que ils évoluent comme nous, on évolue. Et je crois qu'il faut pas les enfermer dans quoi que ce soit, ni les condamner à ce que nous, on aimerait peut-être qu'ils soient ou qu'ils deviennent. Merci à vous. Je renvoie sur cette exposition photographique, Nicolas Magasson, au Musée de l'Homme, jusqu'au 21 avril, Destin d'Olgan, et puis les petits films aussi que vous pourrez retrouver, qu'on vous mettra en lien sur le site internet de l'émission, franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, et puis le livre aussi Destin d'Olgan qui existe et que vous pouvez découvrir. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an, nous suivre sur Twitter et puis la page Facebook également. Et on entend là le choix générique de Jean Gaillon, Brahms, premier concerto pour piano. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de votre fidélité, de vos messages reçus chaque semaine. L'émission a été préparée par Catherine Donnet et Anaïs Morales pour les archives et à la documentation sonore de Radio France Sandrine England, à la réalisation Alexandre Malka, à la technique Jean-Guilain Meige. La semaine prochaine, nous vous raconterons le parcours d'Oliver Sacks, le roman d'une vie, destin d'un neurologue de génie. Mais d'ici là, demain, autre rendez-vous Culture Science à 16h, Michel Albergantier et Sciences Publiques. La science a-t-elle déniché le bonheur? Ce sera son thème. Et puis dans un instant, tout de suite, voilà, je laisse la place à Mélanie Chalandon, pour la suite de vos programmes sur France Culture.